Ah ouais, t'as toujours pas commencé? Ben, il y a le temps, maman. Il y a le temps? C'est ton avenir, Emma. Hein? Mais... Ok, donc l'été c'est dans 3 mois, et toi t'as toujours pas commencé à réviser la carte des Calanques de Marseille? Non mais les vacances ça va pas se faire tout seul, hein? Avec 87% de parents satisfaits par les stages Acadomia, il va falloir trouver d'autres sujets d'engueulade que les notes. En centre ou en ligne, nos stages de révision préparent les élèves à réussir le brevet et le bac. Plus d'infos sur acadomia.fr. Acadomia, le plaisir de réussir. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, en partenariat avec le journal L'Équipe, les frères Staroustine, du stade de foot jusqu'au goulag. C'est l'histoire de 4 frères, fans de foot dès l'enfance, dans l'URSS des années 30. En 1935, l'aîné Nikolaï crée le club du Spartak Moscou, qui dominera longtemps son grand rival, le Dynamo, notamment lors des premiers championnats du RSS en 1936. Une renommée mondiale et des succès qui protègent un temps les 4 frères des purges staliniennes. Mais en 1942, après un procès inique, c'est le goulag. Car dans le pays de Staline, tout est politique, y compris le sport. Mais même au fin fond de la Sibérie, les frères Staroustine sont célèbres et le ballon rond leur permet d'obtenir un régime de faveur, notion qui reste très relative dans un goulag. Un destin en tout cas rocambolesque, digne d'un roman de John le Carré, où l'on croise Staline bien sûr, mais aussi son fils Vassili, qui prend Nikolaï sous son aile et lui permet de rentrer en catimini à Moscou en 1950. Intervient également le redoutable et redouté Beria, le grand méchant de cette histoire, chef tout-puissant de la police politique, l'ancêtre du KGB et soutien sans faille du Dynamo. Nikolaï, lui, imprimera sa marque sur le Spartak jusqu'en 1992, écrivant un récit qui, une fois de plus, montre à quel point les enjeux du football dépassent les enjeux du sport. Notre invité aujourd'hui, Françoise Guiroux, journaliste à France Bleu Orléans, auteur du livre « Goulag Football Club ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Deschamps, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. 6 juillet 1936, l'emblématique place rouge de Moscou se transforme le temps d'une mi-temps en un terrain de foot. Pour cela, des petites mains ont cousu en un temps record des carrés de feutre. Mis bout à bout, ils composent un tapis géant de 9000 mètres carrés. L'enjeu est colossal, puisqu'il s'agit de convaincre Staline des bienfaits du ballon rond en terre communiste. Le foot, un sport venu de l'Occident, né en Angleterre et importé en terre slave grâce aux marins anglais à la fin du 19e siècle, comme l'explique l'historien géorgien David J. Karyanmi dans le documentaire « Football, arme ultime du KGB ». Le football est arrivé ici par la mer, introduit par les marins britanniques qui ont apporté ce jeu dans différents ports des républiques soviétiques. Odessa, Saint-Pétersbourg, Poti et d'autres villes portuaires encore. Ces marins ont été les premiers footballeurs que les gens d'ici n'aient jamais vus. Des fous qui couraient partout derrière un machin rond inconnu à l'époque. C'était difficile d'appliquer des règles, car il n'y avait même pas d'arbitre et les matchs n'avaient pas de durée précise. Un match pouvait commencer le matin et se terminer au coucher du soleil. Ils couraient tous, toute la journée, sans limite de temps, et ça donnait des scores du genre 40 à 30 ou 45 à 35. Farouchement hostile à ce nouveau sport, qualifié de bourgeois, crime ultime en URSS, Staline ne va jamais au stade. C'est donc le stade qui vient à lui en ce 6 juillet, jour national de la culture physique et du sport. Après moult démonstrations sportives, la journée s'achève par un match de foot entre les joueurs du Spartak Moscou, séparés en 2 groupes, les rouges et les blancs. Ce mini-match ne devait durer que 15 minutes, tant on craignait de lasser le maître de l'URSS. Il a même failli être annulé la veille, par crainte de voir les joueurs se blesser sur les pavés de la place rouge, à peine recouverts du mince tapis de feutre. Héroïque, un joueur du Spartak a alors accepté de montrer qu'il pouvait plonger sur le ballon sans se faire mal. Mais le lendemain, ce sont ses multiples bleus et contusions qu'il cache soigneusement. Le Spartak joue gros, car Staline, lui, est surtout un partisan de l'hygiénisme sportif. Comme le rappelle l'historien Sylvain Dufraisse dans le documentaire de Nicolas Jallot, Football, arme ultime du KGB. Alors certains, à l'intérieur des sphères qui dirigent le mouvement de culture physique, développent ce qu'on appelle l'hygiénisme. C'est-à-dire qu'ils cherchent à valoriser le sport comme un moyen de lutter contre les maux de la société, contre l'alcoolisme, contre la sexualité débridée, contre la violence. Le sport doit être un moyen d'éducation et un moyen de civilisation des citoyens soviétiques. Dans les années 20, Staline met en œuvre un contrôle plus grand du mouvement sportif soviétique. L'un des organisateurs a même prévu d'agiter un mouchoir si le petit père des peuples s'ennuie. Toutefois, grâce à la qualité du jeu du Spartak, mais aussi en entendant la clameur du peuple, et bien conquis, Staline s'incline. Le football devient désormais un sport officiel. Le championnat national du RSS, créé seulement quelques mois plus tôt, va enfin obtenir les moyens financiers qui lui manquent pour se développer. Et c'était bien le but recherché par Alexandre Kossarev, fondateur avec Nikolaï Starostin du Spartak Moscou, lorsqu'ils ont proposé ce match au pied du Kremlin. Nikolaï a d'ailleurs ce mot fameux rapporté en 1990 dans le documentaire « Les années football ». Il dit « L'humanité a inventé deux choses, d'abord la roue, ensuite le ballon ». En fait, il y a quatre frères Starostin. L'aîné Nikolaï donc, mais aussi Alexandre, Andrei et Piotr, nés entre 1902 et 1909 à Moscou dans un quartier ouvrier, sur les bords de la Presnia, petit affluent de la Moskova. Très vite, les garçons tombent dans la marmite du sport, notamment le patinage et le hockey sur glace, et ils sont doués. Étonnamment, les Starostin connaissent à la fois la vie des riches et celle des ouvriers. La vie des riches par leur père, Piotr, guide de chasse pour des familles aisées, parfois reçu pour de somptueux dîners dans la belle maison familiale octroyée par la société de chasse impériale. De l'autre côté, la vie des ouvriers avec lesquels les frères Starostin passent leur journée, côtoyant aussi de loin en loin les bandits et des petites frappes. Ce qui ne les empêche pas de bien se tenir, grâce à la poigne du père, comme le raconte Nikolaï dans le documentaire « Les années football » 1990. Notre existence au quotidien n'était pas sans rappeler celle des vieux croyants. Parce que malgré tout, c'était le père qui tenait l'ensemble de la famille. Et donc j'ai grandi, au sein de ma famille, en filant droit, sans le moindre écart de conduite. Et bientôt, il y a le football qui ne demande aucun autre équipement qu'un ballon et qui peut être fabriqué avec de vieux chiffons. Un sport qui devient très vite une vraie passion pour les quatre frères. Dans Bonjour l'Europe, sur RFI, le 27 avril 2018, le journaliste Régis Jean T. confirme. Nikolaï, Alexandre, Andrei et Piotr Starostin sont d'abord des fous de ce sport qu'ils ont découvert dans les années 1910. Ils se prennent tout de suite de passion, traversent Moscou les dimanches pour aller voir les matchs des équipes de l'époque. Et avant la révolution, Nikolaï Starostin, l'aîné et qui est aujourd'hui connu comme une vraie légende, monte des clubs, passe des accords avec la pègre, les criminels, pour avoir un terrain par exemple. Bref, il se débrouille pour jouer au football. Il ne pense qu'à ça. Et il n'est pas le seul, puisqu'en 1913, Moscou compte déjà 25 clubs. À la veille de la révolution de 1917, c'est un millier de joueurs qui tapent dans la balle avec enthousiasme. Après l'arrivée des bolcheviks au pouvoir et de la Première Guerre mondiale, le football repart de plus belle dans les années 20. En 1921, les Starostin intègrent le tout nouveau cercle sportif de Moscou. C'est la première société de sport et de culture physique du RSS, gérée par les Komsomols, les jeunesses communistes. Sur les 11 joueurs de l'équipe de foot, 4 s'appellent donc Starostin. D'où cette fameuse anecdote. Un journaliste du Guardian, guidé par l'intendant du stade Tomski à Moscou, assiste à un match. À chaque belle action du club, le reporter demande le nom du joueur. Et l'intendant répond invariablement « Starostin ». Au bout d'un moment, le journaliste déclare tout content « Ça y est, j'ai compris. Starostin veut dire footballeur en russe. Quand le père, Starostin, est foudroyé par la typhoïde, les quatre frères, encore très jeunes, doivent voler de leurs propres ailes. Heureusement pour eux, Lénine a vite compris qu'il ne peut pas imposer immédiatement un communisme pur et dur et tolère, quelque temps encore, l'entreprise et la propriété privée. Le carnet d'adresses du père Starostin se révèle alors fort utile pour trouver des sponsors. Car il faut bien financer l'entretien des stades, les voyages des équipes, et même parfois le salaire des joueurs. 1935, dans cette histoire, est une année charnière. Aidé par Alexandre Kossareff, l'influent dirigeant des Komsomol, Nikolaï crée une DSO, une société sportive volontaire. Le Spartak Moscou est né. Son nom, trouvé par Nikolaï, est un hommage au célèbre gladiateur esclave Spartacus. Kossareff apporte alors un soutien politique officiel au club, véritable sésame en URSS. Sans oublier l'appui financier de la Promco Perazia, l'union du commerce de détail dirigée par un certain Pavlov, qui par réflexe peut-être promet d'investir 15% des bénéfices de la coopérative dans le club. Un club qui fait des frères Starostin les pères du football soviétique. Oui, comme l'indique Igor Fine, chroniqueur sportif russe dans Football, arme ultime du KGB. Les frères Starostin, c'est une véritable épopée. Ce sont des personnages légendaires. Ce sont eux qui ont lancé le football en Russie après la guerre civile, dans les années 1920. Ils ont inventé, créé au sens propre du terme, et même organisé tout le club du Spartak. C'est encore et toujours le couple Kossareff-Starostin qui a l'idée de créer l'année suivante, en 1936 donc, le championnat soviétique de football. Pour cela, il s'inspire de ce qui existe à l'Ouest, un championnat qui sera longtemps dominé par les deux équipes mythiques de l'époque, le Spartak et le Dynamo. Le Dynamo, c'est l'œuvre d'un homme qui, dès les années 20, a compris avant tout le monde les nombreux avantages, surtout politiques, qu'il y a à tirer du football. Un certain Lavrenti Pavlovitch Beria dit tout simplement Beria. Géorgien comme Staline, mais contrairement à ce dernier, c'est un passionné de foot. Dans sa jeunesse, il a même tenté du ballon. Mais durant un match, il s'est fait dribbler par un certain Nikolaï Starostin. Une humiliation qu'il n'oubliera jamais. Mais la vengeance étant un plat qui se mange froid, le monstre attend tranquillement son heure. Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой. Среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов. И свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог тебе убить. В тот день шептала мне вода удач всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда. Thank you. Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui les frères Starostine, du stade de foot jusqu'au goulag. Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Tbilissi, port de Pori, Géorgie. Comme en Russie, le ballon rond a déboulé ici dans les valises des marins anglais. Mais contrairement à la Russie, le climat permet d'y jouer, toute l'année. Très vite populaire auprès de dockers et des ouvriers, Beria crée dès l'automne 1925 une équipe à Tbilissi, la capitale géorgienne, le FC Dynamo. D'ailleurs, des sections Dynamo voient bientôt le jour dans toutes les grandes villes soviétiques. Moscou, Kiev, Odessa, Minsk, sous la houlette de la NKVD, la police politique, l'ancêtre du KGB, à des fins de propagande. Explication sur ce point de l'historien Sylvain Dufraisse dans Football, arme ultime du KGB. Le Dynamo apparaît comme un club où l'équipe est beaucoup plus organisée, beaucoup plus rationnelle, où le jeu est beaucoup plus technique, alors que le Spartak représente une équipe où le jeu est plus spontané. Car à 26 ans, Beria est déjà en charge des affaires politiques secrètes pour la République socialiste de Transcaucasie et, pour arriver à ce poste, il n'a pas hésité à faire exécuter près de 10 000 de ses compatriotes pour mater l'insurrection antisoviétique d'août 1924. Beria, on l'aura compris, est ambitieux, plus même, un arriviste forcené. En 1935, il obtient de Moscou la construction à Tbilissi d'un stade de 35 000 places, rien que ça, et qui porte naturellement son nom. Un stade plein craqué dès les premiers matchs en 1937 et qui ressemble, bien que sur des gradins différents, tant les ouvriers que les cadres du parti. En fait, l'engouement pour le ballon rond n'est pas la seule raison de ce succès, notamment dans les classes populaires. À l'heure où règne un socialisme pur et dur dans toute l'URSS, le stade est une soupape de liberté pour les hommes, mais aussi pour les femmes, où l'on peut siffler les photos officielles des apparatchiks en toute impunité. Comme le résume avec beaucoup de pertinence le grand compositeur russe Dmitri Chostakovitch, le stade de football, c'est le seul endroit en Union soviétique où vous pouvez être non seulement pour, mais aussi contre. Dès lors, plus rien n'arrête Beria. Lors de la création du championnat du RSS en 1936, il impose le Dynamo Tbilissi comme l'équipe nationale de Géorgie. Il arrive ensuite à recruter, parfois par la force, les meilleurs joueurs de toute la Géorgie. Notamment, un célèbre joueur qui l'engage contre la promesse de libérer son père alors détenu dans une colonie pénitentiaire. Une promesse que le cynique Beria ne tiendra jamais. Il fait aussi entrer des joueurs du Dynamo Tbilissi à la NKVD. Les matchs et les entraînements permettent ainsi aux nouveaux tchéquistes de se maintenir en forme et d'obtenir certains avantages comme des appartements privés. Rien à voir en tout cas avec le Spartak Moscou. En vérité, tout sépare les deux clubs phares des années 30. Comme en témoigne Arkady Nikolaïev, ancien joueur du Dynamo de Moscou. Qu'est-ce que c'est Dynamo ? Une force en mouvement. C'est Gorki qui l'a dit. Quel était notre style de jeu ? Bien sûr, on mettait l'accent sur la technique et la préparation physique. Mais le plus important, c'était notre état d'esprit, la pensée, la réflexion. Pourquoi jouait-on aux échecs ? Parce qu'au football, il ne faut pas avoir seulement les jambes, il faut aussi avoir la tête. Évidemment, Beria supporte très mal que le club du peuple gagne contre celui des tchéquistes. Une hostilité que Nikolaï Starostin lui rend bien. À l'instar de cette anecdote racontée à nouveau par l'ancien joueur du Dynamo, Arkady Nikolaïev. On raconte qu'un jour, pendant la préparation de son équipe dans le vestiaire, une mouche faisait du bruit. Il a pris un journal pour l'écraser et il a dit « Maudit Dynamo !» Mais Beria voit désormais au-delà de son Caucase natal. Et ça marche. Puisqu'en 1938, il devient le puissant patron de la NKVD. Selon le principe des vases communicants, son ascension coïncide avec le déclin des frères Starostine. L'omnipotent Beria, qui se sait intouchable, se permet alors tout. Ainsi, en 1939, alors que le Spartak vient de remporter la finale de la Coupe du RSS, le nouveau maître de la NKVD fait purement et simplement annuler la demi-finale qu'il opposait au Dynamo, sous prétexte d'un but litigieux. Le match est donc rejoué, et le Spartak l'emporte à nouveau par 3-2, cette fois sans contestation possible. Beria est foudrage. Dans ses mémoires, Nikolaï Starostine raconte... Lorsque j'ai jeté un coup d'œil à la loge des dignitaires au coup de sifflet final, J'ai vu Beria se lever, donner un coup de pied furieux à son siège et sortir en trombe du stade. Mais quelques jours plus tard, Beria est contraint de remettre la coupe au Starostine. Ces derniers se gardent évidemment de fanfaronner. Le chef de la NKVD, lui, rompt son frein et patiente tout en surveillant les moindres faits et gestes des frères. Et le 21 mars 1942, c'est le drame. Trois des quatre frères Starostine sont arrêtés en pleine nuit à leur domicile moscovite. La fille de Nikolaï, Elena, témoigne. Les policiers ont fait irruption dans notre appartement au milieu de la nuit. J'ai été réveillée par la lumière d'une lampe torche dans les yeux. La perquisition a duré toute une journée et puis papa a été emmené. On avait bien remarqué depuis quelque temps qu'il était surveillé. Il y avait en permanence deux hommes dans la cour, qui dansaient d'un pied sur l'autre à cause du froid. Les trois hommes sont conduits immédiatement à la Loubianka, le sinistre siège du NKVD, et bien sûr, ils sont incarcérés. Le quatrième les rejoindra peu après. Comme d'habitude, les interrogatoires ont pour but de faire avouer aux frères des fautes qu'ils n'ont pas commises. Alors ils résistent, comme ils peuvent, surtout face aux accusations absurdes de tentatives de coup d'État afin de créer un régime fasciste. Et Beria veut leur peau, ils sont condamnés d'avance. De guerre lasse, les Starostine décident d'avouer leurs crimes, entre guillemets, avoués, bien sûr, tels que le détournement présumé de fonds publics ou d'avoir chanté les louanges du football en tant que sport bourgeois, une faute grave en URSS. Mais ces aveux extorqués visent en vérité à s'épargner d'autres interrogatoires musclés, comme l'explique Elena Starostina. Les frères ont beaucoup souffert pendant l'emprisonnement. La principale torture était l'insomnie. Il les empêchait de dormir. Piotr, lui, a été très fortement battu. Papa nous a écrit « Nous avons eu de la chance. Nous n'avons pas été fusillés et nous sommes très contents. Il nous semble que 10 ans est une peine très clémente. » 10 ans goulag. C'est donc le verdict qui tombe en octobre 1943 à l'encontre des quatre frères, après un procès inique mené par la Cour supérieure du Collège militaire du RSS. Un titre ronflant qui cache les exactions arbitraires d'un régime devenu fou depuis longtemps. Mais grâce à leur popularité, les frères Starostine échappent au peloton d'exécution. Une popularité qui va leur être très précieuse en détention. Les frères, qui ont toujours vécu ensemble, sont cruellement séparés et envoyés dans des goulags différents. Mais sur place, ils se voient tous proposer la direction de l'équipe de foot de la ville ou du camp. Ainsi, Nikolaï est expédié à Ourta, sur le cercle polaire. Chose inconcevable, le commandant maître des lieux lui confie l'entraînement de l'équipe locale du NKVD sans en informer Beria, et évidemment, comme le confirme Elena Starostina. Papa est resté un peu plus d'un an au camp d'Ourta. Et il entraînait l'équipe du camp et l'équipe locale. Il avait là un traitement de faveur. Mais ensuite, il a été transféré sur ordre de Moscou en Extrême-Orient. Mais partout, le foot l'aidait. Car partout, il avait des supporters. Et le directeur de cet autre camp de Sibérie était aussi un grand amateur de foot. Nikolaï accepte. Du coup, ses conditions de détention sont adoucies. Non seulement il travaille à l'extérieur du goulag, mais il loge dans les vestiaires de l'équipe, moins insalubres que les baraquements du camp. Mais les nouvelles vont vite d'un goulag à l'autre. Et Nikolaï est bientôt réclamé par le commandant du camp de Khabarovsk, en Extrême-Orient. Ce proche de Beria arrive à le persuader d'intégrer Nikolaï à la société du Dynamo, un comble, tout en restant officiellement prisonnier, même si ses conditions de vie s'apparentent plus au statut juridique d'un exilé que celui d'un prisonnier politique. Mais en 1945, nouveau transfert, cette fois au camp de Komsomolsk sur l'Amour. Oui, l'Amour. C'est là que sa famille est enfin autorisée à venir lui rendre visite, comme le raconte sa fille Elena. En 1945, pour la première fois, nous sommes allés voir papa à Komsomolsk-sur-Amour, au fin fond de la Sibérie, en Extrême-Orient. Le train a mis plus de 10 jours pour y aller. En 1948, Nicolaï est même autorisé à travailler en usine tout en gardant son activité d'entraîneur. Cet emploi lui donne accès à une réduction de peine et une libération fixée en 1952. Ainsi, dès 1950, il obtient un passeport des autorités locales, très utile pour suivre les déplacements en URSS du Dynamo, avec toutefois l'interdiction formelle de se rendre à Moscou, interdit de séjour. Mais en 1950, coup de théâtre, en pleine nuit, Nicolaï reçoit un appel du secrétaire du Parti communiste local. Staline est au téléphone, viens vite. Nicolaï est abasourdi. Mais au bout du fil, ce n'est pas le dictateur soviétique qui lui parle, mais son fils, Vassili. Ce dernier veut le recruter pour entraîner sa future équipe de foot des VVS, Force de l'armée de l'air, dont Vassili est le commandant. Héberlué, Nicolaï accepte. Dès le lendemain, l'avion personnel du fils de Staline le ramène à Moscou, au nez à la barbe de Beria. Il loge alors dans la confortable résidence de Vassili en toute clandestinité. Une cavale que Nicolaï raconte dans ses mémoires. J'ai ressenti tout le tragicomique de la situation car j'étais sous la protection personnelle du fils du tyran. Nous étions condamnés à être inséparables. Nous allions partout ensemble, au QG des forces de l'armée de l'air, à l'entraînement, à sa datcha. Nous avons même dormi dans le même lit. Et lorsque nous allions nous coucher, Vassili Iosifovitch plaçait invariablement son revolver sous l'oreiller. Mais au bout de 2 mois, n'y tenant plus, Nicolaï rend visite à sa famille qui habite tout près. Erreur fatale. Il est arrêté par des hommes de main de Beria et renvoyé illico au goulag, direction cette fois Maïkop dans le Caucase du Nord, où il n'arrivera jamais. Car Vassili, informé de l'infortune de Nicolaï, réussit à le faire descendre du train en premier arrêt à la gare d'Orel, à 300 km de Moscou. Quelques heures plus tard, l'incontrôlable Vassili, défiant tout à la fois son père et Beria, exhibe crânement à Nicolaï, plutôt gêné dans les gradins officiels du stade Dynamo Moscou où se joue un match du championnat du RSS. Mais après cette provocation, le répit est évidemment de courte durée. Arrêté à nouveau par les tchéquistes de Beria, Nicolaï entame un nouveau périple d'exilé. À Oulianovsk, tout d'abord, sur les bords de la Volga, où durant presque un an, il dirige l'équipe locale de foot et jouit à ce titre d'un appartement au centre-ville. Puis à Alma-Ata, au fin fond d'Asie centrale, au Kazakhstan, à 3000 km de Moscou. Mais une fois de plus, le ballon rond adoucit sa condition de prisonnier puisqu'il est nommé entraîneur de l'équipe de Kayrat, au sud du Kazakhstan, dans une région où le climat est un peu moins rude. Il y reste jusqu'à la mort de Staline, le 5 mars 1953. Joseph Staline est mort. Chef du plus vaste empire du monde, a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Depuis 1924, il avait pris la succession de Lénine et assumé à la fois la conduite du peuple russe et celle du régime soviétique. Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne ? Divinisé par ses fidèles, honni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. La force soviétique créée par lui est l'un des pôles du monde d'aujourd'hui. Qu'en feront ses successeurs ? L'exécution de Beria, 6 mois plus tard, met définitivement les frères Starostine hors de danger. Ils sont maintenant autorisés à rentrer à Moscou dès 1954. Mieux, le 9 mars 1955, la Cour suprême du RSS les réhabilite, qualifiant la procédure pénale à leur encontre d'illégale. Nicolaï reprend alors dans la foulée les rênes du Spartak en tant que président, cette fois. Un poste qu'il ne lâche qu'en 1992, à 90 ans, un an après que le club s'est hissé jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions, sa seule bonne performance en compétition internationale. Mais sous sa houlette, la houlette de Starostine, le club renoue avec le succès au niveau national. 7 nouveaux titres d'Union soviétique et 5 nouvelles coupes du RSS. Nicolaï s'éteint le 17 février 1996, à la veille de ses 94 ans. Ses 3 frères connaîtront un tout autre destin, restant plus ou moins au contact du ballon rond. Après 1955, Alexandre travaille pour le ministère du Commerce, supervisant la vente des articles de sport. Il meurt en 1981. Andrei lui occupe des fonctions de dirigeant dans le football soviétique au sein de la sélection nationale dans les années 60. Il intègre ensuite la Fédération de football de l'URSS dans les années 70 et 80. Selon Nikolaï, il est l'une des figures à la fois les plus populaires et les plus autoritaires du football russe. Et il disparaît en 1987. Piotr, enfin, ne garde aucun lien avec le football après le goulag. Il reprendra sa carrière d'ingénieur dans l'industrie pétrolière soviétique. Lui s'éteint en 1993. Aujourd'hui, un imposant monument de bronze figurant les quatre frères Starostine trône fièrement derrière l'un des buts du stade du Spartak à Moscou. En 2018, lors de la Coupe du monde de football qui s'est jouée en Russie, les organisateurs ont refusé de la déplacer, cette statue, malgré les demandes insistantes de la FIFA. Parce qu'on ne déplace pas une légende. Encore moins quatre. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les frères Starostine, notre invité François Guéroux. Bonjour. Bonjour. Journaliste à France Bleu Orléans, vous êtes l'auteur du livre intitulé Goulag Football Club, livre publié en septembre 2023. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce livre? Et autrement dit, c'est un peu la même question, comment avez-vous découvert cette histoire? Alors, vous évoquiez la Coupe du Monde de 2018 avec cette statue monumentale qui est quand même assez incroyable, qui représente les quatre frères Starostine, qui est installée dans l'enceinte même du stade du Spartak Moscou, quasiment sur la pelouse, hein, juste derrière le but. Et à cette occasion, on a un petit peu raconté dans la presse l'épopée des Starostine. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que on avait cette phrase qui revenait souvent de la part de Nikolaï Starostine. Le football, c'est toute ma vie. Mais non seulement cela, le football m'a sauvé la vie. Notamment pendant ces 10 années de goulag. Sachant qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans. Et je trouvais qu'il y avait là une sorte de hiatus avec l'image qu'on pouvait avoir du goulag, tel que nous le raconte Solzhenitsyn, cette espèce d'enfer, de maltraitance, d'épuisement. Et ça m'a donné envie de comprendre pourquoi et comment les Starostine, et Andrei Starostine notamment, n'ont pas été des détenus ordinaires du goulag, et le plus souvent même n'ont même pas été des détenus du goulag. Et vous êtes fan de foot vous-même ou c'est plutôt l'histoire avec un grand H qui vous a intéressé plus que le foot? Les deux. Les deux, en fait. Moi-même, je suis fan de football, mais c'est vrai qu'il y avait cette opportunité de toquer à la porte de l'histoire. C'est souvent le cas avec le football, d'ailleurs. On le voit avec Affaires Sensibles, à quel point les enjeux du football, peut-être plus que n'importe quel sport, dépassent les enjeux du sport. C'est une arme politique. C'est une arme politique, c'est aussi un sport extrêmement populaire. D'où forcément la tentation de contrôler quelque chose qui intéresse et qui passionne le plus grand nombre. Donc Staline n'aime pas le foot au départ. Staline n'aime pas du tout le foot, n'a jamais été au stade. Et il a fallu cette démonstration pour le convaincre finalement que ce championnat du RSS qu'on essaye de mettre sur pied, ce n'est pas une mauvaise idée. Et que finalement, le football, certes, est un sport qui vient d'un pays capitaliste, qui a été inventé par l'Angleterre, qui promeut finalement la compétition, la rivalité. Malgré tout, c'est aussi un sport qui a certaines vertus, qui promeut également la solidarité, l'effort collectif, le groupe plus important que l'individu. Que ça, finalement, ça peut très bien s'intégrer dans un discours communiste. Et puis dans un discours politique loin du communisme, puisque pendant les années 30, le football est dominé par l'équipe d'Italie, qui gagne la Coupe du Monde en 1934, puis en 1938, avec des maillots noirs, les maillots noirs des chemises noires. Là encore, l'équipe de foot d'Italie délivre un message politique très clair. Et oui, là on est évidemment dans le fascisme, mais c'est vrai que de tout temps, finalement, le football a été utilisé par les pouvoirs et pour véhiculer le discours évidemment qu'ils souhaitaient. Bien sûr. La Coupe du Monde de football de 2018, qui s'est donc déroulée en Russie, a permis de se replonger dans l'histoire russe, puis l'histoire soviétique du ballon rond. Alors, on découvre les frères Starostine, je suis pas certain que tout le monde les connaît, hein, ce sera une découverte aujourd'hui. Ils sont non seulement les pères du football russe, mais ils ont aussi contribué à sa modernité. Est-ce le fait de l'aîné Nikolaï, non seulement excellent joueur, mais aussi un entraîneur, un stratège hors pair? Je me dis qu'un homme ne peut pas changer le destin d'un sport et en même temps d'un pays. Il y a lui, il y a les autres, il y a les frères. Il y a surtout le fait que Nikolaï Starostin et le Spartak de Moscou ont eu cette chance, qui est vraiment une chance énorme, d'avoir pu jouer des matchs à l'étranger. C'est une chance et même un privilège, parce que à l'époque, l'URSS n'est pas reconnue par la FIFA, la Fédération internationale de football. Il a fallu attendre 1946 pour que l'adhésion de l'URSS soit validée. Alors très paradoxalement, il y a une équipe nationale soviétique qui existe, hein, l'équipe du RSS, elle est créée dès les années 20, mais elle ne joue quasiment jamais. Alors jamais de compétition internationale, très peu de matchs amicaux, et lorsqu'il y a ces matchs amicaux, eh bien ils ont lieu en URSS, très très rarement à l'étranger. Il y a des problèmes diplomatiques, il y a des problèmes de visa. À l'inverse, le Spartak Moscou est autorisé à aller jouer à l'étranger, par exemple ici, pas loin d'ici, au Parc des Princes, en 1936, un match contre le Racing Club de Paris, que les Parisiens remportent 2-1. Et lors de ces différentes expériences à l'étranger, Starostin y s'aperçoit que le football russe a pris un retard considérable. Les équipes russes, elles jouent grosso modo encore comme on joue au football à la fin du 19e siècle, avec 5 attaquants, 3 milieux, 2 défenseurs, ce qui donne des scores fleuves. Alors que les équipes européennes, elles ont déjà opéré leur révolution tactique. Elles ont adopté ce qu'on a appelé le schéma, le fameux schéma en WM. Absolument. Voilà, 3 attaquants épaulés par 2 milieux offensifs pour le W et 3 défenseurs épaulés par 2 milieux défensifs pour former le M. Et c'est évidemment un quadrillage du terrain nettement plus efficace, une sécurité défensive, également plus de transition. Et Starostin est le premier à importer ce schéma tactique avec son équipe. Un schéma qui va casser Johan Cruyff et sa bande en 1974, réinventant le football. Bien plus tard. Bien plus tard, en 1974, effectivement. Comment expliquer le succès du Spartak face au Dynamo ? Et d'ailleurs, les deux équipes, est-ce que les gens qui assistent à ces matchs de football savent que le Dynamo, c'est le club officiel, le Spartak, c'est le club, on va dire, non officiel, ou est-ce qu'ils s'en fichent complètement ? Non, non, ça c'est une dimension essentielle et qui explique la force et le fait que le Spartak n'est pas un club comme les autres. C'est un club à part dans l'inconscient collectif russe, moscovite de l'époque. C'est effectivement l'équipe du peuple par opposition au Dynamo, émanation du NKVD, mais par opposition aussi au CSKA Moscou, qui est proche de l'Armée Rouge, et même par opposition au Torpedo Moscou, ou Locomotive Moscou, qui dépendent des grandes entreprises publiques dans des secteurs stratégiques, l'automobile, les chemins de fer, et dont on sait que les dirigeants sont forcément très proches des cercles du pouvoir. La force de Starostin, c'est que même s'il y a derrière l'appui des jeunesses communistes, eh bien, le Spartak apparaît comme un club sponsorisé par cette coopérative alimentaire, par les commerçants, par un côté un peu sympathique finalement. Et puis il y a ce nom qui évidemment est génial, qui fait référence à Spartacus, voilà, les esclaves. Sûr. C'est un petit peu un coup de marketing extraordinaire qu'a eu Nikolaï Starostin. Et puis, il faut qu'une légende, pour qu'une légende prospère, il faut des actes fondateurs. Il y a ce fameux match sur la Place Rouge qui a permis de conquérir le cœur des moscovites. Mais il y a aussi un autre événement qui a lieu un an plus tard, en juillet 1937, où là, le Spartak Moscou va gagner un match de légende face à une équipe espagnole, une équipe basque plus exactement, lors d'une tournée. Alors c'est une idée des républicains espagnols. On est dans la guerre d'Espagne, là encore, le football utilisé à des fins politiques. Il y a cette idée de monter ce qui a été finalement la première tournée caritative du football, avec une équipe complètement acquise à la cause républicaine pour récolter des fonds. Une équipe essentiellement composée de Basques, c'est pour ça qu'on l'a appelée l'équipe basque. C'est une équipe qui va aller jouer contre le Racing Club de Paris, contre l'Olympique de Marseille, en Angleterre également. Un gros succès populaire avec tout l'appui des organisations ouvrières, des partis communistes, et puis également des succès sportifs, parce que c'est une équipe qui gagne chaque match. La fin de la tournée, elle a lieu en URSS. L'équipe, elle est accueillie à des fins de propagande avec un faste incroyable à la gare. Elle va bien sûr rencontrer le Dynamo Moscou. C'est un succès énorme pour les Basques qui gagnent 7-3. Et puis, il va y avoir un match contre le Spartak. Et miracle, le Spartak va battre cette équipe basque 6-2. Spartacus, donc, Spartak vient de Spartacus, c'est pour donner un côté rebelle, parce que Spartacus a mené la rébellion des esclaves contre l'Empire de Rome. Est-ce qu'il y avait ce message-là ? Alors, c'est pas forcément ce qu'a prétendu Nikolaï Starostin après. où il a dit en fait qu'il s'est inspiré d'un club allemand qui s'appelait déjà Spartak, donc à Berlin, lors d'un de ses matchs qu'il a pu disputer. Et il avait été agréablement fasciné, surpris par le côté phonétique finalement. Le fait que crier Spartak dans les tribunes, ça sonnait bien. Et que c'est ça qu'il avait d'abord attiré avant finalement cette légende du Spartacus. France Inter. Affaires sensibles. François Guiroux, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Goulag Football Club. Alors évidemment, la nomenclatura traverse aussi le football. Le Dynamo est donc le club officiel, ce qui donne certains avantages aux joueurs. Et évidemment, sur ce point, on écoute le témoignage de l'historien géorgien David Chiscariani, ici du documentaire Football, arme ultime du KGB. Je précise qu'il y a un point d'interrogation après Football, arme ultime du KGB. Du point de vue soviétique, la règle, à la grande époque communiste, disait qu'on n'avait pas besoin de vie privée. L'homme est social et il est un produit de la société. Il appartient au système, donc l'appartement, c'est seulement pour dormir. Ce type d'habitation commune s'appelait communalka. Mais les joueurs du Dynamo s'efforçaient d'obtenir les meilleurs logements. Et comme Beria les choyait beaucoup, il les aidait pour leur faire attribuer des logements, non pas dans les communalka, mais dans des endroits plus prestigieux. Et ils habitaient dans les meilleurs quartiers de Moscou. Et frère Starostin, aussi, ont mené grand train, bien qu'ils jouent au Spartak, dans leurs années de gloire, notamment au cours de leurs déplacements à l'étranger, où ils se sentaient moins épiés, et aussi, finalement, grâce au football, ont eu quelques avantages. Oui, c'est une évidence et ça a même failli provoquer leur chute dès 1937 parce que bien ces voyages à l'étranger, le fait qu'ils profitent par exemple quand ils sont à Paris d'aller dans les cabarets, d'aller au Moulin Rouge, ou en 1937 lorsqu'il y a les Olympiades ouvrières qui sont des contre-jeux olympiques qu'avait organisé l'International communiste par opposition aux Jeux olympiques forcément capitalistes. Il y a un tournoi de football ça a lieu à Anvers en Belgique. Ce tournoi, il est remporté par le Spartak. C'est fait un peu trop de manière exubérante par les frères Starostin et ça leur vaut une lettre de dénonciation. D'autres sportifs du Spartak, mais qui sont des athlètes qui font de l'athlétisme, et il y a une campagne de presse contre les frères Starostin dans la Pravda. C'est une alerte très très chaude qui a lieu donc à l'été 37. Et il a fallu sans doute l'intervention de Molotov, le ministre des Affaires étrangères, dont la fille, comme par hasard, eh bien, était dans la même école que la fille de Nikolaï Starostin, pour que finalement cette menace soit éteinte. Est-ce qu'il y avait aussi une peur de la part des autorités de désertion de joueurs du Spartak qui vont à l'étranger, qui auraient pu être tentés d'y rester, un transfuge? Oui, ça sans aucun doute. Hein, ça a été d'ailleurs la raison pour laquelle très longtemps l'URSS ne voulait pas tout simplement jouer à l'étranger. Il y avait cette peur-là. Et puis on l'a vu bien après dans l'après-guerre, hein, où c'était effectivement la crainte récurrente des régimes socialistes communistes de l'époque. Alors, le séjour au goulag des Starostin, on dit qu'ils ont été bien traités. C'était pas le Club Med non plus quand même. C'était pas exagéré. Non, c'était pas le Club Med, notamment pour Piotr qui était le plus jeune des frères Starostin, hein, qui lui a connu pour le coup du travail dans les forêts, l'abattage, qu'on appelait l'abattage, et qui lui a pu s'en sortir grâce à un infirmier qui était un fan du Spartak et qui l'a pris un peu sous son aile et qui l'a fait ensuite travailler à l'infirmerie où le régime était beaucoup plus doux. Comme par hasard, c'est le seul qui ensuite n'a pas voulu renouer avec le football après sa réhabilitation. Est-ce qu'en Union soviétique, le football est aussi opium du peuple? Est-ce qu'il l'a été? Comme dans beaucoup de dictatures. C'est une soupape, on va dire. Mmh. Vous disiez tout à l'heure, c'était le seul endroit où on pouvait être à la fois contre et pour, hein, enfin surtout contre, où on pouvait siffler les officiels. Donc oui, ça a évidemment eu cette fonction-là. C'est une récréation finalement, évidemment, un événement, une parenthèse qui permet peut-être de s'affranchir un peu du quotidien qui évidemment n'était pas rose. Et puis donc, intervient le fils de Staline dans cette histoire. On a envie de se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? dedans. Alors ce type est décrit comme alcoolique, invivable, imprévisible, voire dangereux, vous confirmez? Oui, bien sûr, il a même tué un de ses camarades lors d'une partie de pêche parce qu'il pêchait à la grenade, ce qui est évidemment un sport un peu dangereux. Un peu plus tard, il y a une parade aérienne puisqu'il est responsable de l'aviation pour le district de Moscou. Il y a une parade aérienne où il y a eu un accident entre deux Tupolev et suite à un ordre qu'il a donné de décoller alors que le temps était épouvantable. C'est effectivement quelqu'un d'incontrôlable, d'assez dangereux et qui ensuite a d'ailleurs été victime de la déstalinisation après la mort de son père. Oui, quand il était fait prisonnier, Staline, son père, a dit ben, qu'il y reste, gardez-le. Il fallait aussi qu'il soit sacrificiel hein, pour la patrie. Alors, le Spartak de Moscou, au bout du compte, tiens, on va quand même parler football, hein, le Spartak de Moscou, 10 fois champion de Russie, vainqueur de 4 coupes de Russie, 1 supercoupe de Russie, 2 fois champion du RSS et vainqueur de 10 coupes du RSS. Donc, au niveau national, c'est une bonne équipe. En revanche, en Coupe d'Europe, ce ne sont que des demi-finales. En Ligue des Champions en 1981, on sortit par Marseille d'ailleurs. Hein. Demi-finaliste également de la Ligue Europa en 98, demi-finaliste de la Coupe des Coupes en 93. On sait pourquoi. D'ailleurs, aucune équipe soviétique ni même russe a réussi à faire son trou dans les Coupes d'Europe. Il y a eu Kiev du Grand Blokhin dans les années 70. Là, on a cru que Kiev pouvait gagner une Coupe d'Europe. Seulement, il y avait Saint-Etienne, voilà, qui a empêché Kiev de gagner. Alors, il y a eu plus récemment quand même le Zénith Saint-Pétersbourg qui a gagné la Coupe de l'UEFA en 2008. Sachant que le Zénith Saint-Pétersbourg se développe plutôt bien et que Saint-Pétersbourg, c'est aussi la ville natale d'un certain Vladimir Poutine, ce qui explique peut-être aussi cela. L'équipe nationale du RSS, il y a un grand titre, c'est l'Euro en 1960. C'est le premier Euro d'ailleurs, sont les Soviétiques qui le gagnent. Avec la légende, pour le coup, plus connue que les Starostine aujourd'hui, bien sûr, la Viachine, le gardien de but, l'araignée noire. Le football est-il toujours utilisé politiquement par Vladimir Poutine? Sans doute, hein, on peut même dire que le dernier grand succès diplomatique de Poutine, c'est cette Coupe du Monde de 2018 qui a été obtenue en 2010. Et entre 2010 et 2018, il y a un durcissement considérable de la Russie de Poutine. Il y a l'annexion de la Crimée, il y a le soutien inconditionnel à Bachar al-Assad pendant la guerre civile en Syrie. Il y a aussi un durcissement vis-à-vis de l'opposition. Et malgré tout, cette Coupe du Monde n'a pas donné lieu à d'énormes polémiques, en tout cas nettement moins de polémiques que celle qui a eu lieu 4 ans plus tard au Qatar. Ça a même été l'image d'une Russie accueillante, hospitalière. Tout ça, évidemment, ça s'est fracassé avec la guerre en Ukraine. Et puis sur le plan interne, je parlais du Zénith Saint-Pétersbourg, qui est actuellement propriété du Gazprom, évidemment une entreprise stratégique dans le milieu du gaz. C'est aussi des supporters plutôt d'extrême droite, quasiment aux idées, en tout cas nationalistes, qui ne sont pas très loin du discours actuel de Poutine. Bien, merci infiniment. François Guéroux, je rappelle le titre de votre livre, Goulag Football Club. C'était Affaires Sensibles, les frères Starostine du stade de foot au Goulag, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Paola Collin. Chaque bijou renferme un secret, une histoire d'amour ou de séparation, un mythe ou une malédiction. Découvrez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des arts joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels qui vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. À retrouver prochainement sur toutes les plateformes d'écoute.